Dossier 2. Leçon 2. S'informer. Activité 7. 1. Vous êtes français? Allemand? Italien? 2. Vous avez une chambre avec vue sur la mer? 3. Oui, nous avons encore une chambre libre pour ce soir. Vous voulez réserver? 4. L'hôtel est loin du centre-ville? 5. Vous avez une pièce d'identité? Un passeport? 6. Ah, une question. Vous acceptez les animaux? 7. La chambre est à 60 euros avec petit déjeuner? 8. Alors, messieurs, vous aimez notre ville?